sonne la charge. Geste des harpies. Acte 1. Captive. Et quoi ? Doucement, tu es blessé à la tête. Tu te sens comment ? Vaseuse. J'ai mal au crâne. Chut. Moins fort. Je suis là. Tout va bien. Où est-ce qu'on est ? Dans une sorte de grosse cage en bois. Où est Naya ? Fermez-la ! Faut vraiment parler moins fort. Wack ! Où est Naya ? Je l'ai confiée à la vieille au bas. Elle a récupéré la plupart des enfants pour les cacher. Écoute, je la vois dans aucune des cages, d'accord ? Donc elle est en sécurité ? Plus que nous, en tout cas. Je vous ai dit de vous taire. Pago ! Lâche-le ! Vous aussi, la ferme ! Qu'est-ce que vous nous voulez ? Là, tout de suite ? Que tu fermes ta gueule ! Où est-ce que vous nous emmenez ? C'est pas clair quand je parle, putain ! N'abîme pas la marchandise ! Hein ? Je vous ai dit de vous taire. J'ai plus rien pour attendre. C'est qui, cela ? Aucune idée. Des salopards, voilà qui c'est. Doucement, doucement. Mais là, depuis combien de temps ? Je dirais une demi-journée, pas plus. Et avec tout ce qu'on voit, on avance assez lentement. À part ceux qui se sont réfugiés chez Oba, tout le village a été capturé ? Je crois pas. Il y a eu quelques morts. J'ai vu Shabta et Yorick se faire descendre. Ils ont cramé les maisons de la Tima. Toute la famille est à l'intérieur. Mais quelle horreur. Il y a des gens que je connais pas dans d'autres cages. Charmants ravisseurs ont dû rendre une petite visite amicale à d'autres villages. Moi qui ça ? Maintenant on sait ce qui a fait fuir les Ricanos. On doit retourner chercher Naya au plus vite. Faut qu'on trouve un moyen de sortir cette cage. Tant qu'il y a assez peu de distance entre elle et nous. Chut, écoutez. En forçant un peu, on devrait pouvoir sortir. Hé hey, il va falloir attendre la nuit. Passe-moi une outre. Il fait soif. Attendez. Le garde s'est éloigné. Et alors ? Hé hey. Hé, hey, oh ! Vous venez de quel village ? On est d'Epal, un peu plus au sud. On s'est fait attaquer il y a deux jours. Et vous ? Le hameau des Traquenèges. On est au moins 3 ou 4 villages dans ce convoi. Il y a eu des tentatives de fuite ? Non. On s'arrête que la nuit. Et ils nous laissent même pas sortir. Ils nous balancent de la nourriture rance à travers les barreaux. C'est pas vrai ! Mais faut que je vous instope pour que vous compreniez ! Fermez-la ! Arrête ça tout de suite ! T'y es presque. Encore un peu. Ok. J'ai du mal à passer. Nous laissez pas là, pitié. Plus vite. Je fais ce que je peux. Vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Allez. Attends. T'as pas entendu un truc? Là-bas. Merde, s'échappe. Courez. Alerte. Courez. On se sépare, dessus. Ouais. Pardon. Par ici. Lâche-moi, putain. Continue, lâche-moi, quoi. Putain, lâche-moi, dégage. Va chercher Naya. Merde, lâche-moi. Ouais. T'arrêtes pas. Je bouge plus. Putain. Pardon. Je crois qu'ils sont calmés. Putain, je vais le crever. Ne touche pas. C'est un molosse, ce type. Il va nous rapporter une fortune. Calme-toi, merde. Ouais, ben attache-lui les mains alors. S'il bouge trop, je le plante. Oh!